Bernard Clairfailly est bourgmestre d'une des 19 communes de la région de Bruxelles en Belgique, sous l'étiquette Mouvement réformateur qui représente la droite libérale dans ce pays. Il était interrogé en juillet 2007 à propos de la politique d'immigration. Aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie qui est de dire que l'immigration est interrompue. Alors, elle l'est formellement depuis 1974, mais il y a néanmoins un grand nombre de personnes qui continuent à venir vivre en Belgique par toutes les formes d'exceptions qui existent au stop à l'immigration. Alors, une des exceptions, c'est le regroupement familial, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais on sait que comme c'est maintenant une exception, il donne lieu aussi à certains trafics. Il y a aussi la fameuse exception qui est l'article 9, paragraphe 3, et je suis en tant que bourgmestre bien placé pour le savoir, puisque chaque semaine je signe, je ne les compte pas, mais je signe des dizaines de demandes article 9, paragraphe 3, qui en fait est une exception à l'exception de la loi. Donc c'est le seul petit canal par lequel on peut rentrer encore en Belgique. Et comme c'est le seul canal, évidemment, on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui rentrent tout à fait dans le cadre de l'article 9, paragraphe 3, à savoir qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont des liens importants avec la Belgique et qui, à l'appui de leur dossier, mettent des documents qui... Je ne lis pas les dossiers moi-même, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il m'arrive de regarder un dossier, des éléments qui ont l'air sérieux et qui méritent un examen. Il y a d'autres dossiers, parfois, qui sont... vite, à première vue, donc on voit vraiment que ça sert à avoir un document transitoire en attendant que, ou parfois des gens qui font au contraire abus de photocopie de dossiers qui ont l'air très très complets, mais quand on feuillette légèrement, on se rend compte que les éléments de preuve sont assez construits et pas vraiment spontanés. Enfin, donc ça, voilà, ça apparaît. Moi, je suis pas chargé de faire ce travail-là, mais il m'arrive quand même de voir un peu ce que je signe, de regarder ce que je signe et ce qu'on envoie à l'office étranger. En tant que bourgmestre, sinon... j'ai sur mon territoire des milliers de personnes qui sont dites sans papier. Enfin, certains ont des papiers, les articles 9.3 ont des papiers qui leur permettent d'avoir quand même le droit de circuler, même si c'est avec un accès limité à certains droits. Mais il m'arrive de savoir qu'il y a des milliers de personnes comme ça, de rencontrer dans la rue ou de rencontrer dans mes permanences sociales. Et de rencontrer des situations sociales qui sont très difficiles, parce qu'il y a des gens qui sont en attente depuis des années. Des familles qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, des enfants qui sont nés ici, des enfants qui sont scolarisés ici, des gens qui ont refait une nouvelle formation, qui ont changé tout à fait de métier, de carrière. Et quand bien même, ils n'auraient peut-être pas eu droit au séjour, à l'accès au territoire il y a 7 ou 8 ans, parce que les circonstances n'auraient pas permis, aujourd'hui, c'est difficile d'aller dire que ces gens doivent retourner 10 ans après dans leur pays d'origine et redevenir qui médecin, qui professeur de chimie, qui, je ne sais pas quoi, agent de police, alors qu'ils sont depuis lors devenus ici autre chose, balayeur de rue, enseignant, éducateur, que sais-je, et qu'il y a des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent plus la langue du pays. Donc ça pose problème. Donc moi, je suis absolument partisan d'une décision plus rapide. Je pense pas, j'entends pas grand monde le dire, mais je pense pas qu'on puisse dire nous donnons accès au territoire à tout le monde, à tout qui le demande, parce que ce serait insupportable pour la Belgique. Donc il faut bien qu'à un moment il y ait des critères. Il faut bien donc qu'il y ait aussi des acceptations et des refus. Et la grande question, c'est celle du refus. Tous ceux qui se voient acceptés sont très heureux, ils ont leur papier, on n'entend plus parler d'eux, en tout cas. Pas dans ce cadre-ci, ils deviennent alors un chercheur d'emploi comme un autre, un chercheur de logement comme un autre, un parent d'élève comme un autre qui cherche la meilleure classe pour ses enfants, et ils rentrent dans le tout venant des citoyens qui sont sur le territoire, ils ont les mêmes demandes que tout le monde, selon leur situation. Par contre, on entend toujours parler de ceux qui, soit se sont vus opposer un refus, ont reçu un ordre de quitter le territoire et ne l'exécutent pas spontanément, ce qui est assez rare, soit de ceux qui, ayant eu un refus, introduisent un recours, vont au Conseil d'État, utilisent une autre filière, réessayent par ceci, par cela. Et donc la vraie question, c'est celle de comment gère-t-on les refus ? Comment gère-t-on les refus ? Et j'ai toujours dit aux associations de sans-papiers qui ont fait des manifestations aussi à Schaerbeek et ailleurs, j'ai dit, écoutez, moi je suis à titre personnel prêt à discuter de plein de choses. Mais la vraie question par rapport à la société belge, c'est quel contrat faisons-nous sur la question de ceux qui ont un refus. On peut discuter des critères, on peut, c'est la demande de certains, déplacer la ligne de démarcation actuelle entre ceux qui ont un oui et ceux qui ont un non. On peut la faire glisser dans un sens ou dans un autre, c'est un choix collectif que les Belges doivent faire. Mais il en restera vraisemblablement toujours qui auront un refus, Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont un refus? Est-ce qu'on accepte donc la chose difficile, qui est, c'est vrai, les reconduire à la frontière ou ailleurs, ou dans leur pays d'origine ou ailleurs? Ça, c'est la question difficile, qu'on ne tranche jamais, parce qu'elle est socialement pénible. Alors, ce qui est inacceptable, c'est le délai actuel. Si les gens ont un dossier qui est traité dans l'année, bon, allez, dans l'année, c'est encore raisonnable, même si c'est difficile, parce qu'arrivant en Belgique, on apprend un peu la langue, on prend ses habitudes, on cherche du boulot, dans certains cas, on en trouve, et bon. Mais un an, c'est supportable, à mon avis. Mais plus qu'un an, ça devient indécent pour un État comme le nôtre, organisé comme il est, qu'il ne soit pas capable de prendre une décision plus rapide. Je crains que le retard dans l'examen soit aussi dû au fait qu'on ne sait pas suffisamment quoi faire de ceux qui ont un refus. Je ne suis pas favorable à une régularisation massive, parce que la régularisation massive résout certes le problème de ceux qui s'en attendent depuis longtemps et qui y auraient droit, mais entraîne dans le train toute une série de gens qui n'y auraient pas droit. Et donc ça crée une nouvelle forme d'injustice. Pour faire justice à certains qui y ont droit, on créerait une nouvelle forme d'injustice. Et je crois que ce n'est pas sain. On ne doit pas accorder des droits à ceux qui les méritent, en les donnant aussi à ceux qui ne les méritent pas. C'est déprécier la nature des droits qu'on accorde. Donc je pense qu'il faut que le prochain gouvernement notamment se donne les moyens pour que l'Office étranger rattrape rapidement l'énorme retard dans lequel il se trouve. Je ne suis pas, pour ma part, partisan de ce qu'on appelle de critères, je vais pas dire mis dans la loi, enfin, je ne sais plus quel terme vous utilisiez, critères objectifs. Donc, ça ne veut pas dire que je suis partisan de travailler à la tête du client. Loin de là, toute décision administrative, même de l'Office étranger, est contestable devant les tribunaux. Si l'Office étranger venait à être trop ou pas assez généreux, ben c'est contestable et la jurisprudence sera faite par les tribunaux qui auront à en juger. Donc, toute décision doit être motivée et motivée sérieusement. Mais mettre des critères trop précis dans la loi, ben c'est organiser la manière de contourner les critères ou d'organiser des filières d'immigration qui seraient fonction de ce qui rentre dans les critères. Donc ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et j'étais étonné, j'ai remarqué avec intérêt que même dans le débat en France, aux élections présidentielles, les deux derniers candidats à l'élection présidentielle, tous les deux, se sont opposés à ce qu'il y ait des critères clairs et ont bien rappelé que l'accès au territoire est une politique au cas par cas, en fonction du dossier de chacun, de l'histoire de chacun, et qu'il faut pouvoir apprécier justement l'histoire de chacun, parce que dans certains cas, une histoire, même si le critère n'est pas là, mérite mieux d'être prise en compte par l'État belge que telle autre histoire qui pourrait peut-être rentrer dans des critères généraux, mais qui ne mérite peut-être pas suffisamment, qui ait une réelle volonté d'intégration en Belgique, c'était peut-être ailleurs dans un autre pays. Ou voilà. Donc il faut continuer à conserver un traitement au cas par cas, mais en motivant chaque décision et en permettant qu'il y ait un recours contre ces décisions. Il y a ceux qui sont rentrés sur notre territoire et sont en attente d'une décision définitive. Ceux-là sont les vraies victimes actuelles du système. Et pour cela, je vous ai répondu, il faut accélérer le mécanisme, il faut avoir la volonté de traiter rapidement le retard et de traiter plus rapidement les demandes pour qu'une décision rapide soit prise, un oui ou un non, et la capacité de faire exécuter les refus. Parce qu'évidemment, si on ne traite pas ça, il y a un problème. La seconde catégorie, justement, sont les gens qui se sont vus opposer un refus, mais qui n'acceptent pas ce refus. Et donc, qui cherchent à rester néanmoins en Belgique ou à utiliser d'autres filières ou restent quand même. Et pour cela, on accepte le principe qu'à un moment, la collectivité en Belgique fixe des procédures, des critères, des règles qui donnent des droits à certains mais qui les refusent à d'autres, il faut les faire appliquer. Et malheureusement, on ne peut pas avoir de régime particulier pour ceux qui refusent alors l'application de l'ordre de quitter le territoire. Donc ceux-là ne sont pas victimes, ceux-là ont choisi cette forme-là d'exploitation et de vie. Si aucun des refus n'est exercé, comment la société, la collectivité fait-elle pour gérer l'entrée sur le territoire, l'immigration ? C'est évident que si on n'exerce aucun des ordres de quitter le territoire, même par la contrainte, alors ce n'est pas la peine d'avoir mis en place tout le mécanisme. Alors autant tout supprimer et laisser rentrer tout le monde et gérer librement les relations. Et puis ceux qui n'ont pas de boulot, tant pis, partiront ailleurs et laisser alors la liberté du marché tout gérer. Je ne crois pas que c'est ça qu'on veut. On veut justement un système qui soit réglementé. Un système où il y a des règles, et les règles, ça sert à quoi dans un pays? Ça sert à protéger le faible par rapport au fort. Les règles, c'est l'inverse de la loi de la jungle. Donc ceux qui plaident pour des règles, le respect des règles, c'est ceux qui veulent protéger le faible par rapport au fort. Mais à un moment, les règles, il faut les appliquer, parce que si on ne les applique pas, ça ne sert à rien de les mettre en œuvre. Et donc c'est toute la question difficile, pénible, d'exécuter les ordres de quitter le territoire. Et malheureusement, il faut le faire par la contrainte. Il faut le faire par la contrainte, puisque la plupart des gens ne le font pas spontanément. Un État qui gérerait totalement le problème mettrait en centre fermé tous ceux qui sont dans ce cas-là. Or, par manque de moyens et d'organisation, l'État n'en met que, disons, 10%. Et il y en a 90%, entre guillemets, dans la nature. Et de temps en temps, on va en attraper 3 ou 4 ou 5 ou 10 de plus. Et donc, ça crée une injustice par rapport à ceux qu'on n'a pas attrapés. Le problème, c'est qu'ils doivent tous être, entre guillemets, attrapés. Dès l'instant où la loi s'applique, la seule injustice qui puisse être, c'est que certains sont encore en liberté plus longtemps que d'autres. Pour la libre circulation, l'égalité des droits pour tous, contre la militarisation des frontières, l'Europe forteresse, venez au camp No Border à Bruxelles, du 25 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations sur noborderbxl.eu.org.